نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، on continue toujours avec notre livre علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة. Donc la science du dogme chez les gens de la Sunna et du consensus. Et ce chapitre, c'est Mashru'iyat hadhihi tasmiya. Donc le fait que ce nom-là, donc les gens de la Sunna et du consensus, c'est un nom qui est légiféré. Donc le fait de légiférer ce nom-là. Awalan dilalatu al-Qur'an, dilalatu al-Kitab. وتتمثل في الآيات الآمرة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما أتى به، وأن طاعته من طاعة الله عز وجل، والتحذير من مخالفته وعصيانه، فصار اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته اتباعا للكتاب وطاعة للآيات القرآنية المشار إليها. وقد ورد هذا المصطلح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فصار أتبعه اتباعا للقرآن على الوصف المذكور. Donc les preuves du Coran pour montrer que le mot donc le sunna wal jama'a existe bien. Le Coran nous prouve qu'on doit obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Obligatoirement. Et on doit lui obéir sur ce dont il nous a donc enseigné. Et l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'obéissance même à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous prévient contre le fait d'être contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait de le désobéir. Lorsque je dis contre, c'est-à-dire le fait de ne pas faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné. Donc les gens qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui obéissent, ce sont donc les gens qui suivent le livre, c'est-à-dire le Coran, et ce sont les gens qui obéissent au verset, donc à Allah azza wa jal, et à ce qui a été descendu donc dans le Coran. Et c'est pour ça que les gens de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont donc ceux qui le suivent et ceux qui suivent donc le Coran comme il a été demandé. Il y a des preuves. Donc ici dans le livre, les preuves ne sont pas mentionnées. Mais on retrouve des preuves dans Surat An-Nisa. Comme quoi il faut obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans Surat An-Nisa, verset 59, Allah dit « Ya yuha alladina amanu, atti'u Allah wa atti'u Rasul » وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Donc voyez ce verset, le verset 59. Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au messager, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleure interprétation. Comme dallat al-aya hadi ta'atu Allah azza wa jalla wa ta'atu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fa idha kuntum fi khilaf fa in tanaza'tum idha kuntum fi khilaf fi shay fi ay shay fi at-tashahud fi mathalan fi as-salat fi al-hajj wa fi az-zakat وفي وفي وفي في شيء وشيء حتى شيء صغير يعني شيء يفيد العموم هذا الشيء سيفيد ماذا جميع الأشياء سواء كانت صغيرة أو كبيرة فردوه إلى الله والرسول لمن هذا إن كنتم تؤمنون بالله وباليوم الآخر إن كنتم يعني فعلا من المؤمنين الذين يزعمون أنهم من الذين آمنوا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أفضل من أي ناحية؟ خير لكم لأنكم ستصلون إلى الحق، وأحسن تأويلة لأن جميع التأويلات الناس، جميع تأويلات الناس يعني لا تأتي إلى الحق، وإنما التأويل الصحيح هو القرآن والسنة. Donc ce verset explicite montre l'importance et l'obligation de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire partie donc des gens de la sunna et du consensus. Obéir à Allah et au prophète. Et si vous êtes en dispute sur quelque sujet que ce soit, et chez ici en arabe, donc c'est une chose. Donc n'importe quelle chose, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande. Que tu parlerais du tashahhud par exemple, ou que tu parlerais de la zakat, ou que tu parlerais du hajj, ou que tu parlerais de ce que tu veux dans la religion d'Allah Azza wa Jal, si tu n'étais pas d'accord avec une personne ou un groupe de personnes, eh bien, alhamdulillah, on revient au texte, on revient à la preuve, au livre d'Allah et à la sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme l'ont compris l'ulama, comme l'ont compris donc les premiers ulama qui sont les compagnons du prophète, radhiyallahu alayhim, ainsi que tabi'in, donc leurs successeurs, et ceux qui les ont suivis à la perfection jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal reprenne tout le monde. Et ça, c'est un signe, c'est un dalil, c'est un signe de croyance. C'est un signe en vérité que tu crois en Allah Azza wa Jal et au jour dernier. Parce que tu ne te permets pas de parler en vérité de ce que tu veux. Tu parles de ce qui est en toute vérité. Et c'est bien meilleur, parce que c'est la vérité, c'est elle qui te ramène au paradis, parce que tu as pris la vérité. Et elle te ramène bi'idnillah azza wa jalla au paradis, même si tu t'es trompé. Mais tu es quand même revenu au Coran et la Sunna. Tu suis le Coran et la Sunna et tu te trompes, c'est bien moins grave que le fait de suivre tes passions et que tu ne t'es pas trompé. Ou que tu te trompes. Et aussi, c'est une meilleure interprétation. Car chacun, de parmi les groupes qui sont égarés, va amener une interprétation personnelle. Tandis que la meilleure interprétation, c'est bien celle du Coran. C'est bien celle du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi d'autres versets. Et parmi ceux-là, donc, le verset 64, toujours dans la sourate Nisa, la sourate des femmes. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Donc ici, Allah Azza wa Jalla montre bien. Donc, Allah la yu'minuna. Non, par Allah, ils ne sont pas croyants, jusqu'à ce qu'ils te prennent comme juge sur ce dont ils sont en discorde entre eux. Et puis, ils ne trouvent aucune gêne en eux-mêmes sur ce dont tu as décrété, donc jugé, et ils acceptent, ils se soumettent d'une pleine soumission. Fa Allah subhanahu wa ta'ala fi hadil ayah qal fala non wa rabbika yahlafu bi nafsihi subhanahu wa ta'ala. Et par ton Seigneur, لا يؤمنون نافى منهم عنهم الإيمان. Donc ils réfutent que ces gens-là ont la croyance, alors qu'on a vu le verset auparavant, si réellement vous croyez en Allah et au jour dernier, le fait d'obéir à Allah et au prophète. Pourquoi ils ne sont pas croyants? Jusqu'à ce qu'ils te prennent comme juge. Denaysa yani el qadi هو النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وعند موته رجوع إلى سنته صلى الله عليه وسلم حتى يحكموك فيما شجر بينهم. Là aussi encore une dispute comme là, comme dans l'autre verset auparavant. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. Tant qu'ils ne te prennent pas comme juge là où ils sont en désaccord. أَخَذُوهُ وَلَيْسَ أَخَذُوهُ يَنِي كَرْهَان. Ils le prennent mais en vérité ils sont pas contents. Ils sont en gêne, ils ne veulent pas en vérité. Un Nabi ou sallallahu alayhi wa sallam, il va juger, donc automatiquement il y aura sûrement un qui a raison ou un qui a tort, ou voire même les deux qui ont tort. Donc, ou un a raison et l'autre a tort, ou bien tous les deux ont tort. Et puis ils ne trouvent pas en eux-mêmes haraj de gêne. Car en réalité, ils croient en cela et ils acceptent, ils se soumettent totalement. De ce que tu as donc jugé, wayusallimu taslima. Et ils vont se soumettre d'une totale soumission. D'une totale soumission. Hadahwa al-Sunni al-Hakiri. Hadahwa sahib al-Sunna. Voici en réalité le vrai sunnite qui revient au livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il est en désaccord dans quelques sujets, dans un sujet quelconque, il accepte la loi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car c'est la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils acceptent que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils disent que c'est le juge. Parce qu'ils savent qu'ils jugent d'après ce que Allah azza wa jalla lui a ordonné de juger. Naam. Donc on a des preuves. Il y a encore aussi, toujours un verset, toujours dans Sourate An-Nisa. Parce qu'ici le livre ne mentionne pas. Donc on va parler de ce verset aussi, comme ça les gens le connaissent. Donc le verset 115 de Sourate An-Nisa. Et là c'est par rapport à Tahdhir min al-Mukhalafa. Donc le fait de se prémunir contre justement al-Mukhalafa en étant en scission contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وما يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. Donc, et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous lui collerons ce qui s'est collé, et le brûlerons dans l'enfer, et quelle mauvaise destination. Donc, وشاقق النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أنه أقبل على الدين الله عز وجل وأسلم مسلم لكن يرفض سنة النبي صلى الله عليه وسلم يرفض الأوامر يرفض بعض الأوامر ويرفض بعض النواهي. Il refuse quelques obéissances. Il refuse aussi quelques interdictions, quelques ordres et quelques interdictions. Alors que la guidée lui a été montrée, il sait que c'est la vérité, mais il refuse. Et il suit autre que le chemin des croyants. Donc ici, il ne suit pas la voie des chemins, le chemin des croyants. Et qui sont le chemin des croyants à l'époque où le Coran descend? C'est bien donc les compagnons du prophète, radhiyallahu anhum. Nous allons le détourner là où il s'est détourné. Hein, donc en vérité, sa fitna, elle va l'amener à sa perdition. C'est sa fitna qui va l'amener, qui va le guider vers sa perdition. Et il aura droit donc à un enfer, et cela est mauvais pour lui. Ma annahu muslim. Pourtant il est musulman. Hein? Parce qu'il fait scission avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'à l'origine, la guidée lui a été montrée. La guidée lui est montrée, il accepte l'islam, mais il accepte ce qu'il veut, il délaisse ce qu'il veut. Et pourtant, il rentre dans le dîn. Thaniyan, dilalatu as-sunna. Dilalatu as-sunna. Inna hada al-mustalah wal-was mustamaddun fil haqiqa min sunnati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Li'annahu al-amir bil-inayati bis-sunna. فقال عليكم بسنتي عليكم بسنتي وهو آمر بالجماعة وأنا آمركم بخمس كلمات أمرني الله بهن الجماعة. Donc le nom أهل السنة والجماعة ما أتت هكذا أتت من فيه النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le nom du genre de la sunna et du consensus n'est pas venu comme ça en vain, mais il est bien venu de la bouche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien lui qui a ordonné. Wa huwa amara bidhalika. Il ordonne cela. Lama qal sallallahu alayhi wa sallam alaykum bi sunnati. Lorsqu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam, donc suivez donc obligatoirement ma sunna. Alaykum, c'est un ordre. Parmi les mots qui prouve l'ordre dans Usul Fiqh, c'est alaykum. Alaykum, si tu regardes dans les livres d'Usul Fiqh, tu verras qu'il fait partie des types, hein, des styles qui amènent à l'ordre, qui en définitive veulent signifier un ordre. Donc suivez obligatoirement ma sunna. Bimana hayat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Bimana tout ce qu'a fait le prophète, ce qu'il a fait par la sunna, ce qu'il a fait obligatoirement, ce qu'il a délaissé parce que c'est détestable et ce qu'il a détesté parce que c'est interdit. Et c'est lui aussi qui a ordonné, sallallahu alayhi wa sallam, donc le groupe, l'unanimité, le consensus, al-jama'a, le groupe. Wa ana amurukum bi khamsi kalimat. Et moi, je vous ordonne cinq paroles. Allah seul me les a ordonnées. Mon Seigneur me les a ordonnées. Et il commence par al-jama'a, le groupe. al-jama'a. Parce que là, l'islam, bila jama'a, comment que l'islam va être en vérité existant s'il n'y a pas de groupe? Il faut que le groupe il soit en réalité là. Parce que c'est un des grands principes de l'islam. C'est un des grands principes de l'islam. Et chaque secte qui naît, elle se cache dans un coin, et elle forme un petit groupe. Donc en vérité, elle sort de la jama'a. Parce qu'elle a formé justement le secte, elle s'est désaxée, elle s'est en vérité désintéressée du groupe pour former un groupe à elle-même. Car le prédicateur, le chef de cette secte, a une raison personnelle. Il a en vérité un intérêt de la vie d'ici-bas pour amener à cela. وهو الذي نهى عن الفرقة وعن الفرقة فقال من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية ميتة جاهلية. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, non seulement il leur donne le groupe, le consensus, l'entité, l'unanimité, mais aussi il interdit la division. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est fort, parce qu'il dit celui qui meurt en faisant scission du groupe, ne serait-ce que d'un empan, ne serait-ce que d'un peu, ne serait-ce que parce que tu as des mauvaises paroles contre ce groupe. Yakfik. Ne serait-ce qu'en vérité que tu commences même par les moindres choses. Shibran, donc, c'est-à-dire que même si c'était par les petites choses. Il meurt comme s'il était mort à l'époque d'avant l'islam. Hein, donc l'époque pré- ou anti-islamique. Bima'na, car avant les gens, ils étaient divisés. Avant l'islam, les gens, ils étaient donc divisés. Wa kuntum ala shafa hufratin min an-nar fa akadhakum minha. Après, donc, c'est bien. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwan. Donc ils sont morts, ils meurent comme si en vérité ils étaient morts avant d'entrer dans l'islam. Donc c'est pas une parole légère, ça donne à réfléchir. فأهل السنة والجماعة إنما سماهم رسول ووصفهم بذلك. Donc certes les gens de la sunna et du consensus, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les a appelés comme ça, et en plus il les a aussi donc caractérisés. Il les a donc bien décrits dans un contexte bien précis. وليس لأهل السنة والجماعة رسم ولا اسم يتسمون به خصوصا غير هذا الاسم الذي يعني في الحقيقة التزام الجادة المستقيمة والمحجة البيضاء التي تركنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في آخر هذا الكلام. Donc les gens de la sunna et du consensus n'ont pas donc d'éthique ou d'étiquette, n'ont pas de nom à part, donc bien précis à partir de lequel ils s'appellent à part ce nom-là. Dans le sens, c'est-à-dire que ce nom-là en vérité montre réellement donc qu'ils suivent donc à la perfection la voie droite et les preuves claires, celle à partir de laquelle nous a laissé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui dit à partir du Coran et de la Sunna et du consensus fait partie des gens de la Sunna et du consensus. Comme le dit donc Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi. Wa su'ila Malik rahmatullah عن السنة قال هي ما لا اسم له غير السنة. Il dit l'imam Malik rahmatullah sur la sunna, il dit c'est le nom dont aucun nom, donc en vérité lorsqu'il parle de la sunna, il dit que c'est bien celui-ci, c'est bien en vérité ma la isma lahu ghayra sunna, elle n'a pas d'autre nom, comme quoi en vérité c'est clair, elle n'a pas d'autre nom, elle revient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa tala, il récite la parole d'Allah azza wa jalla, wa anna hada sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraq bikum an sabilihi. Donc il montre ici aussi donc sourate al-an'am verset 153. Certes voici ma voie droite, suivez-la et ne suivez pas les voies qui vont vous diviser de cette voie. Et donc sirat wahida wa يعني صراط أخرى يعني كثيرة جدا يعني الضلال يعني كثير. Il n'y a une seule vérité, il y a énormément d'égarements. Donc il dit bien l'imam Malik que la sunna c'est la voie droite Et les autres, c'est par la voie droite. Celui qui a décidé de délaisser la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc en vérité, il s'est éloigné de la vérité. Il s'est éloigné de la vérité, comme le dit l'imam Malik. Bima'na, il n'y a pas d'autre nom. L'islam, en vérité, c'est le fait de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme un annes, ja'ou wa sammu anfusahum bil jahmiya. Al jahmiya. Même si c'est les gens qui les ont appelés, parce qu'ils ont suivi le jahm ibn Safwan. Al mu'tazila. لأنه اعتزلوا يعني الناس اعتزلوا مثلا الدروس حسن البصري إلى آخره المعتزلة donc ils se sont éloignés, se sont écartés des دروس de علماء comme حسن البصري ou autre الأشاعرة النسبة إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله إلى آخره هكذا c'est des gens qui viennent Rafida parce qu'ils ont rejeté donc ils ont repoussé ceux qui considère que Abu Bakr et Omar sont donc plus importants que Ali et autres, on en passe. Donc on voit bien qu'ils ont un dogme, ils ont une façon de penser, ils ont une façon de vivre, ils ont donc une religion qui est basée par rapport à ce qu'ils pensent. Alors que la sunna, c'est-à-dire qu'elle revient directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ma su'ila Malik rahimahullah an ahli sunna. Donc la première lorsqu'on lui a posé la question c'est sur la sunna. Mais là c'est ahli sunna. قال أهل سنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه عند الانتقاء لابن عبد البر. Donc رحمة الله. Donc il dit bien les gens de la sunna ce sont eux qui sont connus ils ont un nom connu, et n'ont pas de nom en vérité ou de sobriquet à partir de lesquels on connaît. Ils ne sont ni des Jahmi, ni des Qadari, parce que le Qadari, ça veut dire le fait de dire qu'Allah ne connaît le destin qu'une fois qu'il arrive. Ce sont eux, les Qadari. Voilà Rafidi, et ce sont ni donc les Rawafid, donc les Shia. Wal-an, sanara ba'd athar al-sahabati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi dhalika. Nous allons voir ici donc. Quelques paroles des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce domaine. Wa min dhalika qawl Ibn Abbas radhiyallahu anhu wa an abihi fi tafsir qawlihi ta'ala yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Isma'u jaydan. Hada qawlullah ta'ala. Donc écoutez bien la parole d'Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa an abihi dans le tafsir où Allah azza wa jalla dit bien le jour où des visages vont être éclairés. Donc ils vont en vérité éclairés comme le soleil. Et des visages qui seront noirs. Faqala Ibn Abbas fi tafsir. Fa amma alladhina abyadat wujuhum fa ahlus sunna. Wa amma alladhina aswadat wujuhum fa ahlul bid'a wad dalala. Retournez dans tafsir Ibn Kathir rahmatullah alayhi. Rahmatullah alayhi, ou bien même dans Fethul Qadir de l'imam Shawkani, Rahmatullah alayhi. Jami'an, et vous allez retrouver cette explication-là. Dans Ibn Kathir, et dans Fethul Qadir de l'imam Shawkani, et vous allez trouver justement ces noms-là. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est bien quelque chose que nos anciens ont fait avant nous. Donc il dit, Ibn Abbas, radhiyallahu ta'ala anhu, wa an abihi, wa jami'a sahabati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit bien, et ceux dont les visages sont illuminés, ce sont les gens de la sunna et du consensus. Et ceux dont les gens dont les visages sont noircis, donc ce sont les gens de l'égarement, ce sont les gens de l'innovation et de l'égarement. Al-bida, les gens des innovations et de l'égarement. Donc voyez un petit peu l'importance de savoir où est la vérité, l'importance de savoir où est le faux. C'est pour justement ne pas faire partie de ces gens-là. Parce que c'est bien dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala que ces gens-là sont mentionnés. Même chose si vous retournez dans Al-Kawthar. Tafsir surat Al-Kawthar. Inna shani'aka wa al-abtar. Certes, tes ennemis vont, en vérité, ne vont pas aller loin. Ils vont être coupés. Ils n'arriveront pas à aller loin parce qu'ils n'auront pas de hasad dans ce qu'ils font. Et leurs hommes ne vont pas les laisser longtemps. Et allez voir si justement dans le tafsir, on ne retrouve pas aussi les gens de la bida. Les gens de qui? De la Bouddha. Dans le tafsir. Donc celui qui retourne le tafsir, il verra bien. Il comprendra. Wa kadhalika qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma النظر إلى رجل من أهل السنة يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة عبادة. Le fait de regarder simplement, un nazar. Tu vas t'asseoir et tu regardes. Un homme, donc un alim par exemple, on va considérer que cette personne a de la science, c'est un savant. Parmi les gens de la sunna, il appelle à la sunna, il prêche à la sunna, et il interdit la bida, l'innovation, donc il prévient contre l'innovation, c'est une adoration, ibadatun. Le fait de le regarder tout simplement, tu es déjà dans l'adoration. Pourquoi? Parce que tu es en train de regarder en vérité les héritiers du prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu es en train de regarder en vérité les véritables héritiers des envoyés d'Allah, donc les alayhim salatu wa salam jami'a. وقال سعيد ابن جبير رحمه الله في قوله تعالى وعمل الصالحة ثم اهتدى في التفسير من التابعي. Donc ici on a affaire au plus grand, parmi les plus grands mufassirés, ce sont les tabi'i, car ils ont pris d'Ibn Abbas, ils ont pris d'Ibn Omar, ils ont pris d'Ibn Mas'ud et d'autres, ils ont pris des grands mufassirins. Donc qu'est-ce qu'il dit Sa'id ibn Jubair رحمه الله? Il dit لازم السنة والجماعة التفسير في التفسير. Donc, lorsqu'Allah dit dans Surah Taha, verset 82, et il a accompli de bonnes œuvres, et puis, il s'est rectifié, donc il a été guidé. Le tefsir, ça veut dire qu'il a suivi, il a été donc assidu à la sunna et au groupe et au consensus. Il a été assidu à quoi? Donc, il est resté assidu à la sunna et au consensus. Dans le tefsir. وَرُوِيَا نَحْوُ عَنْ مُجَاهِدْ وَالضَّحَاكِ وَغِيرُ وَاحِدٍ وغير واحد من السلف. Donc il n'y a pas que lui qui dit ça dans le tafsir. حتى مجاهد حتى الضحاك حتى يعني وغيره من السلف. Donc parmi toujours les grands mufassirin, des élèves, des compagnons du prophète عليهم رحمة الله جميعا. وقال أيوب السختياني رحمه الله إذا كان الرجل صاحب السنة والجماعة فلا تسأل عن أي حال كان فيه. Donc si tu sais qu'une personne était sahib sunna, bima'na sahib sunna. Bima'na yulazim sunna. Pourquoi on dit sahib? Sahib, c'est le compagnon. Donc c'est-à-dire que tu es le compagnon de la sunna. C'est-à-dire qu'en vérité, lorsqu'on dit sahib sunna, yulazim sunna. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est quelqu'un qui aime la sunna, il est assidu à la sunna. C'est pour ça qu'on dit sahib. T'es l'ami de la sunna, donc tu es tout le temps avec. Donc tu accompagnes cette sunna. Donc si tu vois donc quelqu'un de la sunna, donc si une personne... Et donc réellement une personne qui est assidue à la sunna et au groupe ne pose pas de questions sur lui. Dans quelle en vérité situation il est. Car Inch'Allah il est dans le khair, il est dans le bien. وقال عمر ابن قيس الملائي رحمه الله إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه. Donc il dit ici رحمه الله عمر ابن قيس الملائي, si tu vois un jeune dans ses débuts, donc les débuts de son iltizam, et avec les gens de la sunna et du consensus, donc espère pour lui le bien. Alhamdulillah. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ma'arafu dhalika, comme il y en a, ma'arafu sunna illa kima ba'd. Wa ta'ibu, wa utkhilu yani, atkhalu fi uqulihim ashia, sa'ba li khuruj yani, ani l'uqul. Combien les gens ont entré en vérité dans leur raison, dans leur cœur, énormément de choses lorsqu'ils n'ont pas connu dès le départ la sunna et le consensus. Et il faut beaucoup de temps pour l'enlever. C'est comme celui qui est malade pendant longtemps. Il lui faut donc, lorsqu'il va connaître la vérité, donc c'est lorsqu'il va commencer à se guérir par la vérité, il lui faut donc un bon moment de convalescence. Il lui faut du temps pour la convalescence. C'est pour ça que celui qui entre directement dans cela, c'est ni'ma pour lui. Car dès le début, il prend directement les bonnes choses. On sait que le début, c'est là qu'on accepte tout. Parce qu'on aime. C'est nouveau pour nous, on accepte. On est différent. Et on a cette force dans le début de l'iltizam. Ou bien de l'istiqama plutôt. Wa qala Sufyan al-Thawri rahmahullah idha balagaka an rajulin bin mashriqi sahib sunna wa akhir bin maghrib fab'ath ilayhima salam wad'u lahuma ما أقل أهل السنة والجماعة ما أقل أهل السنة والجماعة. Donc il dit Sofiane Thawri رحمه الله. Donc si tu entends parler d'une personne, hein, donc dans le Mashrek, dans l'Orient, qui fait partie donc de la Sunna, et une autre personne dans l'Occident, donc le Maghreb, donc qui fait partie aussi des gens de la Sunna, salue-les, donc salue-les de ma part, et invoque pour eux, Udrulahuma, invoque pour les gens de la Sunna. Car il y a tellement ma'aqal, tellement les gens, ils sont peu. Donc en vérité, il y a très peu de gens de la Sunna et du consensus. Yasta'jibun. Ma yasta'jibun kayfa an-nas yahlakun. Wa inma yasta'jibun kayfa ash-shakhs naja wa baqiya ala yani hal Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Les gens les salafs, ils étaient plutôt étonnés de voir comment quelqu'un reste dans la vérité. Alors que généralement, c'était le mal qui était donc propagé. C'est-à-dire le fou. وقال قتيبة ابن سعيد رحمه الله إذا رأيت رجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة وجماعة. إذا رأيت رجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة وجماعة. Si tu vois une personne, Qutayba ibn Sa'id dit رحمه الله, si tu vois une personne aimer Ahmed ibn Hanbal رحمه الله, sache que c'est quelqu'un de la sunna du consensus. لأنه الذي عرف خاصة بعد المحن يعني بإمام أهل السنة والجماعة وليس يعني إمام بمعنى إمام ممن كان قبله لا إمام من كان في زمانه c'était lui إمام à son époque mais son nom il est resté là إمام des gens de la sunna et du consensus أما السنة est venue avant lui c'est pas question de lui c'est-à-dire il y a des gens qui étaient avant lui qui étaient même meilleurs que lui hein? Il sera jamais comme Abu Bakr Siddiq ou bien Omar ou bien Othman. Lakin c'était lui le plus important dans son époque. Les gens revenaient vers lui par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et surtout par rapport à la mihna, ce qui lui arrivait et comment il a été éprouvé, comment il a tenu. وورد نحو هذا في المعافي ابن عمران وجماعة من الأئمة والرواة. Et à كل حال, on a d'autres exemples qui sont pareils par rapport à d'autres imams. Donc on a le même type. وكذلك نصوص العلماء واستعمال الأئمة وقد نص العلماء على أن أهل السنة هم الصحابة ومن اقتفى أثرهم فقال الشارح الطحاوي رحمه الله هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين Donc Ibn Abi al-Izz al-Hanafi رحمه الله dans son charh de Tahawiyah, il dit bien, par rapport aux gens de la sunna et du consensus, ce sont les compagnons et les tabi'oun, donc les successeurs, et les successeurs qui les ont suivis donc, à la perfection jusqu'au jour dernier, jusqu'au Yawm al-Din, jusqu'au jour de la récompense. وَقَالَ إِبْنُ تَيْمِيَ رَحْمَ اللَّهِ وَمَذْهَبُ أَهْلِ سُنَّةِ مَذْهَبٌ قَدِيمٌ مَعْرُوفٌ قَبْلٌ أَنْ يَخْلُقَ اللَّهِ تعالى أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد فإنه مذهب الصحابة الذين تلقاه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ومن خالف في ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة ابن تيمية رحمه الله يقول par rapport à la sunna donc la voie de la sunna c'est une voie qui est ancienne connue avant qu'Allah عز وجل crée Abu Hanifa ou bien l'imam Malik ou bien l'imam Shafi'i ou bien l'imam Ahmed, car c'est le madhhab, la voie des compagnons qui ont pris, donc qui ont reçu la révélation de la part de leur envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui fait scission de cette voie-là est donc un innovateur. Le anad-din mahsour indahum. Fa kayf anta tadi bi shay alladhi ma arafu ida fa'alta shay wa ma arafuhu أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأعلم أن هذا الشيء بدعة ولا يجوز أن تفعله. Si tu fais quelque chose dans la religion, في العبادة, et les compagnons l'ont pas fait, sache que tu es dans le faux. لا يمكن أن تفعل شيء وهم عرفوه. C'est impossible. من أين أتيت به؟ كيف أتيت به؟ إذن هذا لا يمكن. Si tu fais quelque chose et les compagnons du prophète ne l'ont pas fait, ils ne l'ont pas dit, sache que tu es entré dans l'égarement et dans l'innovation. Alors d'où te provient cela? Et comment tu verrais avoir cela? Par quoi? Puisque tu ne fais pas partie de ceux qui ont transmis la révélation. Donc tu ne peux pas te permettre de transmettre une nouvelle révélation. Parce que ce n'est pas révélation. Donc, Ahmed ibn Hanbal, wa in kana qad ishtuhira bi imamati sunnah, fa laysa dhalika li annahu infarada bi qawli aw ibtida qawlan, bal inna sunnata kanat mawjuda ma'rufa qablahu. Alimaha wa da'a ilayha wa sabra ala man imtahanahu li yufariqaha wa kana al-a'imma qablahu qad matu qabla al-mihna. Donc il montre bien, même si le même Ahmed, bien sûr, il a été connu pour ce nom-là, pour être appelé imam des gens de la sunna et du consensus, ça ne veut pas dire qu'en vérité, il a ramené quelque chose de nouveau. Ou bien qu'il leur a ramené quelque chose de nouveau. Mais en vérité, la sunna existait bien avant lui, l'imam Ahmed. Il a apprise et il a appelé à cette sunna. Et il a patienté donc dans les épreuves, afin que les gens justement lui fassent quitter cette sunna, en disant que le Coran a été créé et que le Coran, ce n'est pas la parole d'Allah. Et les imams avant lui disaient la même chose et ils sont morts avant, mais sur cette épreuve. Wa sabaqa qawl Ibn Hazm rahimahullah, ahl sunna hum ahl al-haq, wa man 'ad 'adahum fa ahl al-bid'ah, fa innahum ay ahl sunna sahabatu radhiyallahu alayhim, wa man salaka manhajahum min khiyar at-tabi'in thumma ashab al-hadith, wa man ittaba'ahum wa man tabi'ahum min al-fuqaha جيلا فجيلا إلى يومنا هذا ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها رحمة الله عليهم. Donc Ibn Hazm explique qui sont les gens de la sunna pour tout le monde en général. Donc les gens de la sunna, ce sont les gens de la vérité. Et ceux qui sont contre eux, أنا موجود هذا بعض الناس الذين يبغضون السنة هكذا. يبغضون السواك, يبغضون اللحية, يبغضون أشياء كثيرة جدا. جمع السنن, السنن في الصلاة يبغضونها, السنن في الصيام يبغضونها, السنن في الحج يبغضونها, يبغضون السنن هكذا مطلقا, ما أدري كيف وصل هذا في قلوبهم. Ils détestent la sunna dans la prière, dans les actes apparents et même dans le وخاصة في التوحيد. Ça le pire, c'est que surtout dans l'unicité, dans le dogme, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te dis comment c'est arrivé à eux, subhanahu wa ta'ala, comment cela est arrivé dans leur cœur. Alors que les gens de la sunna, ce sont les compagnons et ceux qui suivent leur voie. Donc parmi les meilleurs des tabi'in, les gens, puis aussi les gens du hadith, Ahlul Hadith, Imam al-Bukhari wa ghairin, Aladina Jaw ba'd al-tabi'in, ceux qui sont venus après les tabi'in, et ceux qui les sont aussi, qu'ils ont suivi aussi parmi les fuqaha. Donc il y a beaucoup de fuqaha. Donc les gens de les jurisconsuls, génération après génération. Et ceux qui suivent leur chemin parmi les awam. إذا كنت أنت مثلا ما عندك علم شرعي لكن أنت تعرف أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الحق فأنت من أهل السنة. وإن كنت يعني ضعيف يعني في الاهتمام بالسنة لأنك أصلا تحب السنة ولا تبغض السنة. Si tu aimes la sunna, même si en vérité tu ne connais pas réellement bien la sunna, même si tu ne mets pas fortement en pratique la sunna, mais tu aimes cela. Tu aimes le prophète, tu aimes la sunna du prophète, tu sais que les compagnons ce sont les meilleurs, tu reconnais que les ulama ce sont un tel, ma fait un tel, si tu reconnais certains d'entre eux, tu fais partie des gens de la sunna. Awam ou ahl sunnati, yani, min ahl sunna, salafiyun hawla. Les gens, les awam parmi les gens de la sunna, ce sont les salafis. Parce qu'en vérité, ils aiment la sunna. Et bien sûr, chacun aura son niveau de science, tout simplement. Que ce soit fi sharq ou la fi gharb, donc partout. Donc c'est rahmatullah alim jami'a. Thumma qal, wa anna. من اتبع أحدا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتبع السنة ولا الجماعة. إذا كنت متبعا شخص واحد وتركت السنة, أنت ترى شخص يقول لك هذا والسنة يعني واضحة جدا, الحديث واضح, تقول أنا خلاص أنا أتبع شيخي وأترك السنة وما دخل في قلبي حب هذا الحديث, فأنت يعني أخطأت, فأنت لست من الذين يتبعون السنة. Si en réalité tu suis quelqu'un et qu'on te prouve avec des versets ou bien des hadiths qui sont clairs que la vérité elle est comme ça, ça ne te suffit pas. Tu suis une personne, tout simplement, je m'accroche à lui, je ne connais rien à côté de lui, voilà le hadith, voilà lâché. Donc tu ne fais pas partie en vérité des gens de la sunna et du consensus. Et en plus en vérité, s'il fait partie des gens de la sunna et du consensus, en vérité, il prétend, c'est du mensonge. Il prétend faire ça, c'est du mensonge dans sa prétention. فَنَحْنُ نَحْنُ مَعْشَرَ الْمُتَّبِعِينَ لِلْحَدِيثِ الْمُعْتَمِدِينَ عَلَيْهِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ حَقًّا بِالْبُرْهَانِ الضَّرُورِي وَأَنَّنَا أَهْلِ الْإِجْمَاعِ كَذَلِكَ. Donc il dit, c'est toujours Ibn Hazm qui parle, rahmallah. Il dit, car nous, ceux qui suivons le hadith c'est la parole du prophète. C'est-à-dire que suivre le hadith, c'est suivre le prophète, c'est pas suivre le hadith en lui-même. Ça veut dire suivre le prophète, parce que les hadiths, ce sont le prophète. Ce sont en vérité que la traduction, l'écriture de ce qu'a fait et de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceux qui suivent cette sunna, ce sont eux les gens de la sunna du consensus en toute vérité, car ce sont eux qui suivent les preuves. Hein, daruri, ce sont eux qui suivent les preuves en vérité, qui sont obligatoirement à suivre. Et ce sont, nous sommes donc vraiment les gens de la sunna par rapport à cela, les gens du consensus par rapport à cela. Voilà quand le shirik samit temi rahmallah, sara al-mutamassikuna bil-islami al-mahd, hum ahl sunna wal-jama'a. Donc ils sont devenus, le fait qu'il y a eu des gens qui se sont divisés, il y a plusieurs groupes maintenant, les gens qui se sont bien accrochés à l'islam, qui est pur al-mahd, qui est en vérité donc originel, ce sont les gens de la sunna et du consensus. Wahada yashmalu sahaba ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولذا بدأ علماء الاعتقاد عند ذكر أئمة أهل السنة والجماعة بالصحابة ثم من بعدهم من التابعين. C'est pour ça que les premiers livres qu'ils ont été écrits, donc les gens de la sunna, ils ont été connus par rapport à cela, parce que ce sont les compagnons et ceux qui les suivent jusqu'au jour dernier. Mais c'est pour ça que les ulama, lorsqu'ils ont écrit le dogme al-i'tiqad, yani hein, fil asma wa sifat, hein, fi ruyat Allah azza wa jal, fi nuzul, fi l'arsh, hein, fi sifat al-jannah, fi kull hadhihi al-ashya' allati ya'taqidun, hein, fi al-qadar ila akhirih, fi sahabati, fi hub as-sahaba wa ahl al-bayt. Donc tout ce qui a à voir avec le dogme des gens de la sunna et du consensus, lorsque ils ont commencé à parler et à dire qui sont réellement les imams avant eux, ils ont commencé par les compagnons. Ils ont commencé par les compagnons. Les premiers imams, ce sont les compagnons du prophète. Et puis, après eux, le tabi'in. Ils ont vraiment pris la première génération et les autres. Parce qu'ils sont comme eux. Ils leur ressemblent. Ce ne sont que des gens qui leur ressemblent. Et qui font ce qu'ils ont fait. Wa min dhalika qawlu al-lakai fi sadri kitabihi sharh usul i'tiqad al-sunnah bab siyaq dhikri man rusima bil imama fi sunnati wa da'wat wa al-hidayah ila tariq al-istiqama ba'da rasulillah sallallahu alayhi wa sallam imama al-umma fa min sahabati Abu Bakr as-Siddiq wa Umar ibn al-Khattab wa Uthman ibn Affan wa Ali wa fa'adda jama'atan min sahabati ridwanullah alayhim thumma jama'a min at-tabi'in min ahli al-Madina wa Mecca wa Misr wa Baghdad wa Wasit wa ghayrihi. Donc l'imam al-Lakai, rahmallah, dans son livre qui est connu, Sharh Usul I'tiqad, Ahl-Sunnah wal-Jama'a, donc il met un chapitre, Bab, et il met le nom de ceux qui ont été, donc, de ceux dont on a mis, donc, on leur a donné une étiquette, comme quoi que ce sont les gens, les imams de la Sunnah et de la Dawa, donc de la guider, de la prêche, Al-Hidayah, donc, et de la guider, dans, vers la voie droite, après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont commencé par Abu Bakr Siddiq. ثم عمر ثم عثمان ثم نعم ثم علي et il a mentionné encore d'autres compagnons, puis après cela التابعين, hein, donc parmi les gens de Médine, là où il y a eu des ulama à Médine, à Mecca, en Égypte, Misr, hein, donc en Égypte, à Bagdad, à Wasit qui est en Égypte, et autres, donc les villes où les ulama alhamdoulillah se sont propagés, là il y a eu donc les grands ulama de l'islam. وذكر موقف المعتزلة من أهل السنة والجماعة ثم قال ما قذفوا به المسلمين من التقليد إلى آخر الكلام. Donc ici il mentionne المعتزلة, donc هذه الفرقة الضالة, donc cette secte qui est égarée, المعتزلة, donc المعتزلة qui critique les gens de la sunna. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit regardez ce qu'ils ont donc imputé, ils ont en vérité dénigré les gens de la sunna, et ils ont dit ici, il dit, ils ont donc imputé sur donc les musulmans. Ils disent que l'aql, parce que chez eux, la raison, elle passe avant le Coran et la Sunna. L'aql, yani afdal wa asfa indahum min le Coran et la Sunna. Yani majanin, sont fous. Parce que chez eux, l'aql, la raison, c'est mieux que le Coran et la Sunna, c'est mieux que le dalil. بمعنى أنت تتبع كالبهائم كالبهيمة أنت متبع كالبهيمة. Il te considère que toi en vérité tu n'es pas en train d'utiliser ta raison, tu es un animal qui suit les autres, c'est tout. La preuve elle est là. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك له عقل C'était vrai, on aurait, ben, en France, on prendrait aussi la meilleure des personnes, qui est aussi un meilleur aql. Aslan, déjà, premièrement, c'est pas vrai. C'est pas comme ça qu'on réfléchit. Et deuxièmement, les preuves, elles sont venues. À quoi elles servent alors? À quoi certaines? Donc, ils ont dit, alors que lui, en défendant les gens de la Sunna, ils ont dit, regardez, ils ont donc critiqué les musulmans. Les Anna, Ahl Sunna, hum muslimin haqqan, ce sont eux réellement les musulmans. Donc, il n'y avait pas besoin de les appeler Ahl Sunna ici. Il n'a pas dit, ils ont critiqué Ahl Sunna. Ils ont dit, ils ont critiqué les musulmans. Car bien sûr, ittiba, c'est l'islam, tout simplement. C'est les musulmans qui suivent donc le Coran la Sunna. Fassawwa bayna ahli sunnati wal jama'ati wa bayna al-muslimin. Donc il n'y a pas de différence entre les musulmans et les gens ahli sunna wal jama'a normalement. Vous voyez? Wa hada sarih fi anna ahli sunna wal jama'a hum ahli al-islam as-sahih al-muttaqa 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min ladun as-sahabati wa atba'ihim hatta akhir az-zaman. فمن خالف هؤلاء في أصولهم لم يكن في أهل السنة والجماعة من أهل السنة والجماعة car réellement ce sont eux qui ont pris donc l'islam véridique de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam et par les compagnons et par ceux qu'ils ont suivis jusqu'au dernier temps. Il y a une succession, il n'y a pas eu de coupure, il n'y a pas de coupure. Ma fi mathal ulama matu wa ma kanu indahum min at-talamid. Il n'y a pas eu de coupure. Les ulama, ils sont morts, ils n'ont pas d'élèves. Non, ils ont eu des élèves et ils ont des élèves. Hatta. Il y a des gens, des ulama de maintenant, qui connaissent la chaîne de transmission et ils savent jusque chez qui ils reviennent. Ils reviennent jusqu'en haut, ils remontent jusqu'en haut. Et ça, c'est pas toujours comme ça, il y a toujours l'ilm qui reste. Parce que c'est comme ça qu'Allah il protège la religion. Donc c'est comme ça qu'il la protège cette religion. Par l'ilm et par les gens qui protègent. Donc l'ilm, c'est qui? C'est bien un groupe de personnes. L'ilm, c'est ça. L'ilm, en vérité, ce ne sont que des personnes. C'est pour ça que lorsque ces personnes vont mourir, le ilm va disparaître. Lorsque les ulama vont mourir, c'est le ilm qui va disparaître. Donc, وهذا وقد يعني استعمل أئمة هذا الاسم والمصطلح المبارك في النص على الأمور أمور الاعتقاد الصحيحة تمييزا لها عن غيرها كما فعل ذلك قتيبة بن سعيد الثقفي رحمه الله ونقله عنه الذهبي في السير أعلام النبلاء بل جعل بعض الأئمة هذا الاسم ضمن عناوين كتبهم في العقيدة كما فعل اللالكي رحمه الله في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة وكما فعل قوام السنة إسماعيل بن محمد الأصبهاني رحمه الله في كتابه الحجة في بيان الحجة وشرح عقيدة أهل السنة كذلك. Donc ce nom-là, cet اصطلاح, donc ce nom en vérité, qui est béni, donc il existait afin de faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, tout simplement. Comme l'a fait Qutayba ibn Sa'id al-Thaqafi, rahimahullah, et a pris de lui le même Zahabi, et là, donc le même Zahabi qui écrit Siyar, hein, Siyar yani A'lam al-Nubala, donc il mentionne la vie hein, des compagnons jusqu'à lui, donc jusqu'à son époque, le ulama, il mentionne, donc il rejoint dans énormément de tomes la vie de ulama. Et des fois, rien que pour certains, il y a des pages et des pages, ça ne s'arrête plus. Donc, il explique. Là, justement, il explique. Donc, il dit bien qu'un tel fait partie. Donc, c'est un imam dans la sunna du consensus. Un tel, c'est un imam. Donc, il explique lorsqu'il fait la tarjama, donc la biographie d'un tel. Donc, il dit, par exemple, كان زاهدا وارعا محدثا فقيها مثلا كذا كذا كذا كان يحج كذا كذا مثلا. Il raconte lorsqu'il dit donc c'était un ascète, c'était un adorateur, il priait autant de rak'a, il faisait le hajj, donc lorsqu'il mentionne les gens importants de la sunna du consensus, et il met aussi qu'un donc il faisait partie des imams de la sunna du consensus, comme l'a fait aussi l'imam al-Lakay rahimahullah dans son livre Sharh Usul I'tiqad Ahl Sunna. Ahl Sunna, on voit dans le titre, et aussi donc Ismaïl ibn Muhammad al-Asbahani dans celui de Mahajj al-Bayyin, le Hujja fi Bayan al-Mahajja, et aussi dans Sharh Aqidah al-Sunnah, la même chose. Donc, taradufuhu ma mustalah al-Shari'iyya. Donc, thumma inna hada al-mustalah yuradifu inda itlaq al-mustalahat al-Shari'iyya ukhra, mithlu ahl al-Hadith, wa al-Firqa al-Najiyya, wa ta'ifatun al-Mansura, wa al-Salaf al-Salih, kama donc ces noms-là, ils ont en plus des synonymes. Parmi les synonymes, Ahlul Hadith, les gens du Hadith. Les Anna al-Hadith عندهم يعني حجة. Car les gens du Hadith, حجة. يتمسكون بها. حتى الصحابة رسول الله رضي الله عليهم لما كان يفتحون الفتوى لما فتحوا الامصار الناس كانوا يقولون اهل الحديث هكذا الناس les compagnons du prophète رضي الله عنهم lorsqu'ils ouvraient les contrées hein في الفتوحات dans le jihad les gens ils entendaient que parce qu'ils étaient tout en train de dire قال رسول الله قال رسول الله tellement ils disaient ça que les gens ils ont appelé اهل الحديث c'est les gens dans la rue comme ça العوام ils ont appelé les compagnons اهل الحديث qu'est-ce qu'on veut de plus si c'est pas si en vérité les gens de la hadith s'ils sont pas justement dans la vérité Donc le hadith, il ne faut pas, donc en vérité, ne pas le prendre au sérieux. Il faut en réalité le prendre au sérieux. Ou bien le groupe sauvé, la voie, donc la voie, la voie, bien le groupe sauvé, les plus prédécesseurs, comme on verra à Kulhel, donc plus tard. Donc on termine pour aujourd'hui. Barakallahu fikum. Subhanakallahu bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.